Alors, il va pour la période de questions. Daniel. On va où? On y va aux réponses. Daniel, je n'ai pas de mission connue. Je ne veux pas cesser de fumer. Je suis relativement bien. Est-ce que l'année 90 va être pour moi une année plate? Moi non plus, je ne veux pas cesser de fumer. Bon, est-ce que l'année va être une année plate? Pourquoi? Si l'individu est plate, l'année va être extrêmement plate. Ça on ne peut pas essayer, rien à faire. Je n'ai pas de mission connue. Est-ce qu'il faut une mission pour que ce soit intéressant? Dans les vieilles formes de l'évolution, oui. On appelle cela l'évolution méritoire. Quand tu as une mission, tu peux te frustrer toute ta vie de ne pas la réussir. Ça met du piquant. Si tu n'as pas de mission, tu n'as rien à faire, ben c'est comme plate. Ça fait partie de l'évolution méritoire. Il y a beaucoup d'individus qui s'évertuent à souffrir tout au long de leur évolution uniquement parce qu'ils recherchent le mérite. Quand c'est facile, c'est toujours pourri. Ça vaut rien. Alors, si on arrive à évoluer, à éliminer nos problèmes, à se purifier de conneries facilement. Comme je dis de temps en temps, je donne un séminaire aux séminaristes, donc c'est relativement avancé, et ce qu'ils ont comme résultat, c'est quelque chose que l'humanité recherche depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années. Sauf qu'étant donné que ce n'est pas le but du séminaire, ils ont le résultat après 4 heures de travail. Et une fois qu'ils ont ça, là, on passe à ce qui doit être fait. Et je veux les avertir avant que si je vous enferme dans un monastère, que vous payez 35 000 $, que vous passez 20 ans de votre vie là pour avoir le même résultat, maudit que ça va avoir de la valeur. Mais si vous payez 200 $, puis après 4 heures, vous l'avez, vous trouvez que vous êtes fait avoir un peu votre argent, quelque chose... L'humain cherche à contrôler sa pensée, puis après quelques heures, les personnes sont capables d'éjecter leur pensée. Et ils restent là, eux, sans la pensée. Parce que c'est très rapide, ça vaut rien. L'évolution méritoire est le plus grand handicap dans l'évolution des humains. Ils recherchent la souffrance pour pouvoir s'en sortir. Ils recherchent la mission pour avoir un but dans la vie. Alors, si vous avez une mission, puis qu'en 2 heures, elle est accomplie, qu'est-ce qui vous reste? Le suicide, c'est toujours le même mot du problème, le mérite. Moi, je n'ai pas de mission dans la vie, je vis, j'accomplis, je suis bien. Ce qui est intelligent, je le recherche. Ce qui ne l'est pas, je ne le recherche pas. Si ça me colle après, c'est que j'ai du velcro. À moi de l'ôter. C'est tout. L'année 90 va-t-elle être plate? Ça dépend de l'individu. Il y en a qui sont missionnés et puis c'est extrêmement plate. Il y en a qui ne le sont pas et que c'est extrêmement plate. Chose qui est évidente, c'est que pour la conscience humaine, c'est à peu près impossible à comprendre l'idée qu'on n'a pas besoin de but dans la vie pour trouver intelligent de vivre. Alors qu'habituellement, l'humain doit avoir des raisons émotives de vivre. Et lorsqu'il n'en a pas, il met fin à ses jours, il se drogue ou est autre chose. Lorsqu'il a l'impression qu'il n'est rien sur la planète, bref, lorsqu'il a l'impression que les autres ne le reconnaissent pas, il trouve que lui a rien parce qu'il est collectif, ça dépend d'autrui. De toute façon, c'est évident que tous les archétypes, tous vos ancêtres cachés chez vous ne pourront pas accepter l'évolution vers une conscience neuve, c'est-à-dire vers l'initiation solaire, c'est-à-dire vers une évolution qui n'est plus méritoire. C'est pourquoi on doit à un moment donné se purger. Et c'est pourquoi tu dis souvent, oui, mais y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Tant que l'humain n'est pas écœuré d'être écœuré, il s'attache à sa souffrance. Il s'attache à l'idée méritoire. Comme je le dis souvent, si je te tire une balle en plein visage, je t'accroche l'oreille, tu médites pendant une demi-heure et tu restructures ton oreille, tu prends un revolver, tu viens pour me tirer ton fusil sans oreille, ça la balle part pas, puis on demande aux gens lequel des deux est le plus grand maître, on va choisir toi. Moi, je suis chanceux. Celui qui est le plus grand maître, c'est celui qui n'a rien à faire pour régler un problème. C'est lui qui n'a pas de problème. Le fusil sans oreille, voilà. Lui, il doit travailler une demi-heure à restructurer son oreille. C'est un animal. Il doit travailler pour avoir un résultat. On a beau dire qu'on a toujours dû travailler pour avoir des résultats. Hier, j'écoutais une partie d'émission et on disait que l'humain devait travailler parce qu'il doit gagner son pain, la sueur de son front. L'homme nouveau va gagner son pain et la sueur du front des autres. Et on va dire, c'est chien, c'est ceci, c'est cela. Quand les autres seront écœurés, les syndicats accepteront qu'on mette des robots. Ah, ben... Puis Dieu là-dedans. Dieu, il parlait peut-être à ceux qui voulaient écouter. Pas moi. Mais le mérite, l'humain le recherche. La majorité des personnes ont besoin de thérapies immenses et de payer énormément cher pour que ça aille, pour que ça vaille quelque chose. Imaginez que vous venez me voir un jour, vous êtes alcoolique, et moi je vous dis, si vous voulez vous en sortir, il y a beaucoup de thérapies. Mais une qui est extrêmement efficace, c'est celle de prier Dieu, vivre une journée à la fois, puis cesser de vous culpabiliser. Ça vaut rien, ça. Voyez des alcooliques anonymes, puis passe 2 ans avant qu'on te l'aille tout dit, ça aura de la valeur et ça va fonctionner. Moi, je te l'ai résumé en 30 secondes, ça vaut absolument rien. Et c'est pourquoi, bien souvent, on doit prendre beaucoup de temps pour apprendre, pour avancer, uniquement parce que si on vous le dit trop vite, ça vaut absolument rien. Mais est-ce que c'est parce que ça a pris trop de temps à accumuler ces mémoires-là, puis qu'ils ne peuvent pas être dissoutes rapidement? Non, c'est parce que l'humain reste confronté à l'expérience. Expérientiellement, dans mes mémoires, pour réussir quelque chose, j'ai dû travailler. Toute l'humanité a travaillé, peiné. Pour arriver à avoir l'amour sur la Terre, il a fallu qu'on fasse la guerre. Fait que si l'amour n'est pas encore là, il faudrait qu'on fasse une autre guerre. L'humain reste traditionnaliste. Alors, dans l'évolution, c'est la même chose. Tu es malade, trouve-toi une raison intelligente d'être guéri, puis tu vas l'être. Pas une raison émotive, pas que je suis écœuré, pas que je suis idiot. Trouve une raison intelligente d'être en santé, puis tu vas retrouver la santé rapidement. Mais c'est tellement facile. Puis c'est correct. Prends pendant 6 mois ces médicaments-là, on va te faire des thérapies, on en met. Tu sais, on dit pour les caries, mangez-en du sucre. Votre corps est capable d'empêcher les bactéries qui prolifèrent à cause du sucre d'attaquer les mailles des dents. Sauf qu'on peut aussi travailler comme l'humain a toujours travaillé. L'humain travaille toujours en acceptant d'être déboîté. On accepte le vieillissement, on accepte la vieillesse, on accepte le rhumatisme, on accepte tellement de maladies de dégénérescence. Regardez en Chine et au Japon, mais en Chine pendant longtemps, les personnes en haut de 45 ans qui avaient toutes leurs dents, ils se cassaient les dents sur de la roche parce que c'est absolument immoral d'avoir toutes ces dents à cet âge-là. Bon, les Esquimaux, c'est la même chose, puis beaucoup plus souvent les Amérindiens, il fallait qu'ils mangent la peau. Les femmes devaient manger les peaux pour les rendre souples. Une femme qui a toutes ses dents rendues d'un certain âge, c'est une femme qui n'a jamais été convenable, elle n'a jamais mangé assez de peau pour pouvoir plaire à son mari et à ses enfants. C'est une femme qui est la lie de la société, alors elle se pétait les dents sur les roches elle aussi, puis elle mangeait du sable, parce que ça égrène les dents, pour être convenable. Ça, c'est l'évolution méritoire. On rit un peu. Quand je dis qu'il y en a qui se mettent des os dans le nez, puis d'autres des boucles d'oreilles. Ah oui, c'est ça, c'est une question de point de vue. Alors, quand on parle de la personne qui se pète les dents à la roche, et on en fait aussi, nous autres, des choses. Et qu'on en fait donc pour vieillir que normalement, pour mourir normalement, pour être malade normalement, c'est méritoire. Et c'est tellement méritoire que si vous voulez gagner votre paradis, vous savez ce que vous devez faire ici? Souffrir, être pauvre, tout donner, payer pour. Pas tant d'une joue, si on vous frappe l'autre. Non, suggérez qu'on vous frappe. L'évolution méritoire. C'est quoi une vie plate? Une vie qui ne vous stimule pas? C'est parce que vous avez besoin de raisons émotives. Une vie intelligente ne vous stimulera jamais. Et c'est un gros problème de l'intelligence, le contact qu'on peut avoir avec. Tout à l'heure, tu disais, pourquoi elle ne me le dit pas? Je te lance le verre d'eau en plein visage, puis je te lance le verre après, puis je te casse le nez. Puis là, je te dis, fais attention. Tu me crois. Pourquoi ton corps physique a émotivement vécu des choses? L'intelligence te dit, fais attention. Quelle saveur ça a? Vous avez toutes vos dents? Faites attention aux caries. Quelle saveur ça a? Ils sont toutes cariées? Là, ça pogne. Mais ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. La personne qui commence à faire de l'angine, on te dit pendant longtemps de cesser de travailler comme un animal, de prendre du repos, de te payer des vacances. Oui, mais si je prends les vacances, la compagnie va arrêter. Quand tu vas être malade, tu vas en prendre pareil. La compagnie, elle va être pognée sans toi, mais toi, tu ne pourras pas bénéficier du temps qu'elle va te laisser. Tu vas être malade, la cave. ça vaut ça, ça vaut rien. Puis quand t'es pogné, par exemple, dans un hôpital après un infarctus, là, tu comprends ce qu'on voulait dire. Puis la compagnie, elle ferme comme elle aurait fermé, ou elle continue comme elle aurait continué, t'es de toute façon vacante. Comment on peut instruire l'ego à accepter que le changement peut être radical? Parce que je reviens à mon exemple de tantôt. Chez l'animal humain, le problème, c'est que quand tu sors d'hôpital, après 6 mois, tu recommences comme avant. Mais comment on peut éviter ça? En étant intelligent. Comment on peut être intelligent? En étant intelligent. Quand tu as une mémoire d'imbécile. C'est évident. Mais tu as aussi de l'intelligence d'intelligent. Comprenez l'idée. On sait qu'il faut prendre le papier et le mettre là pour qu'il soit à bonne place. On le sait. Oui, tu le fais pas. On le fait pas. Puis on trouve ça niaiseux de pas le faire. Oui, mais continue à trouver ça niaiseux. T'as un côté qui trouve ça niaiseux, puis t'as l'autre côté qui le fait pas. Puis celui qui le fait, ben vas-y. Le problème du mental, la personne qui devient un mental, OK, je sais qu'on peut mental devenir... dans le sens Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. Malade. Ouais. Mental. C'est ça. La personne qui, à un moment donné, passe de... Bon, l'intellectualiste, à un moment donné, il y a un danger dans l'intellectualiste, quoique c'est nécessaire pour faire évoluer l'humain. Un des dangers de l'intellectualiste, c'est qu'à un moment donné, tu ne fais que jubiler dans l'intellect, et ton intellect sécrète suffisamment chez toi pour plaire à ton émotivité, alors tu fais juste démolir, t'intellectualises tout, t'es plus évolutionnaire, t'avances plus, t'es bloqué. Le mental, la problématique qu'il aura, lui, c'est qu'il pose des questions qui sont logiques, qui sont mentales, mais qui ne peuvent pas... Le mental refuse les réponses de l'intelligence. L'intellect, lui, logifère même pas mentalement. L'intellect, il logifère comme il a prêt à logiférer. Qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel? Oh, là, tu penses que de là, juste à cause que tu parles, là, que ça a de la valeur. Moi, je suis intelligent, je me réponds, non, ça n'a pas de valeur pour toi. Dans 2000 ans, quand tu vas écouter mes cassettes, ça aura de la valeur. Parce que la Bible a de la valeur, souvent, pour l'intellectuel. Et ça au moins, ça vaut rien non plus. Le mental, lui, comment il travaille, le mental? Bon, pourquoi 90, ça devrait être intéressant? Posez-vous la question. Mentalement, on n'a rien à foutre que 90 soit intéressant. Pourquoi ça devrait être plat? Non plus. Mais le mental, il y a un problème, parce que le mental, il continue, lui. Même pourquoi je me pose ces questions-là? Puis pourquoi je me suicide carrément pas? De toute façon, on va vivre mes 25 prochaines années, mes 50 prochaines années, mes 200 prochaines années, vont mourir. C'est le mental. Mais l'ego se porte très mal les questions du mental. Puis le mental ne peut pas répondre parce que le mental refuse l'intelligence. Il refuse c'est pas le mental qui pense au suicide. Le mental ne pense pas au suicide, mais le mental, il dit pourquoi je me suiciderais pas? C'est moi une bonne question. L'inverse est vrai aussi. Le mental peut poser oui. une autre question. Exactement. Mais c'est ce qui fait qu'habituellement, l'individu qui, dans sa phase de conscientisation, finit par être bloqué, puis bloqué, gelé, c'est qu'il mentalise. Mais c'est pas l'ego. L'intelligence, c'est pas. C'est pas l'ego qui se sert d'une information du mental. L'ego va récupérer uniquement les questions qui lui plaisent du mental. Mais le mental pose les deux. Le mental, c'est le vecteur qui permet de douter de tout et du doute. Mais le mental ne répondra pas à ton doute. L'intelligence ou l'astral, la psychologie, va répondre. La psychologie répond traditionnellement, soit spirituellement, théologiquement ou scientifiquement, mais ça te bloque. Pourquoi? Parce que tu évolues vers le passé. L'intelligence va te répondre vers l'avenir, vers le neuf, mais le mental amène les questions. Alors le mental, c'est pourquoi asseoir, pourquoi je mange, là? Je mange, après ça je digère, après ça j'excrète, puis après ça je mange encore. Tu me poses la question, toi, mais pourquoi tu ne mangerais pas? Je sais, pourquoi je ne mangerais pas? Mais ça ne m'arrange pas plus. Ça fait des dialogues qui sont pas bien, non? Il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées au niveau du mental. Bon, et c'est dangereux parce que ça fait en sorte que des individus deviennent stagnants d'une nouvelle forme de fixation. T'es stagnant quand tu es toujours en train de mettre tous les péchés du monde sur le dos de tout le monde. T'es stagnant quand tu es uniquement en prière, en évolution spirituelle. Tu mets de l'énergie dans le monde de la mort, énergie que tu devras récupérer un jour, mais temporairement, tu ne fais rien. Bon, tu espères, c'est tout. Tu espères pendant toute ta vie, tu espères pendant toutes tes vies, tu espères. Et ce que tu espères surtout, c'est que jamais ça va arriver, parce que si ça arrive, tu ne pourras plus espérer. Alors ta vie, elle vient d'arrêter net là. Et ça, c'est une grande désillusion de ceux qui, de la spiritualité, passent à la conscientisation. Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que le but est plus proche. Puis qu'un jour, hélas, tu vas l'atteindre. Alors tu devras changer. Tu ne peux plus être celui qui marche, tu es rendu. tu devras maintenant être celui qui reste. Puis ça, tu n'as pas l'habitude. Alors, tu continues à marcher même quand tu es rendu, en espérant que tu n'es pas rendu. Et c'est un problème de beaucoup de gens. Parce qu'ils ont passé des milliers d'années à jouer qu'ils étaient bons. Lorsqu'ils le deviennent, ils pensent encore qu'ils jouent. Maudit problème. Autre chose, l'individu qui, mentalement, mais qui ne fait que mentaliser les choses, il doit intelligent, c'est celui qui ne fait que mentaliser, il est capable aussi de désarçonner son ego. Et là, il pourra devenir pathologiquement dangereux pour lui-même, pour les autres. Parce qu'à un moment donné, ça va être comme celui, bon, moi je dis, si je me fais attaquer en sortant d'ici, puis la personne veut me tuer, puis la seule façon de m'en sortir, c'est de la tuer, je la tue. Puis je l'aime autant, hein, puis sans rien avoir. Sauf que mentalement, l'individu peut dire, le gars qui est rentré à Polytechnique, qui a tué tout le monde, puis qui n'a pas souffert, c'est un mental, c'est un gars évolué. C'est un gars désassujetti de la culpabilité. Donc, c'est un gars évolué, oui. Mais c'est un gars qui est évolué sans paramétrage par de l'intelligence. Il ne sait pas ce qu'est l'écologie. Alors, ce qui est arrivé, c'est que dans son... la bribe d'évolution a servi l'involution. Comme celui qui vient à l'MTS, qui est marqué la transition supramentale. Bon, comme celui qui, à un moment donné, dit « Ah, moi, j'évolue, il faut que je me détache de tout, parfait. T'abandonnes ta femme ou ton mari, t'abandonnes tes enfants, tu te ramasses dans ton cocon, puis t'évolues. » T'as rien compris. Le peu d'évolution que t'as eu, t'as récupéré dans l'évolution. C'est fait avoir. T'es jamais fait pour l'éternité. Tu t'en sors à un moment donné. Alors, bon, 89, est-ce que ça va être une année plate? Absolument pas. Moi, j'ai pas de mission, j'ai rien, je m'attends à rien. Une chose certaine, c'est que c'est une année intéressante parce que la majorité de ce qui va être appliqué pour la majorité des individus qui se conscientisent va l'être. Et en plus, ça va permettre, à partir de 90, de créer des foyers où de plus en plus les individus qui se conscientisent vont retrouver, on pourrait dire, leur peuple, vont être capables de retrouver des individus. C'est comme si l'intelligence va être de plus en plus sur la table. Alors, on va de plus en plus avoir l'impression que le monde dans lequel on devrait habiter commence à apparaître parallèlement au monde dans lequel on ne veut plus habiter. Les pneumothorax que j'ai eus au début de 1990 sont-ils reliés à un ego trop chargé de vieilles mémoires ou à un simple trouble corporel? Explique. Bon, thorax, tout le monde sait c'est quoi. Pneumo-pneumatique, c'est de l'air. Pneumothorax, normalement, c'est une perforation d'une membrane du poumon. Il peut être sous tension, ce qui, normalement, s'il est spontané sous tension, cela veut dire que l'air va se ramasser entre la plèvre et le poumon, ou la plèvre et la cage thoracique, à chaque expiration, puis ça gonfle lentement ici, ce qui écrase le poumon. Puis quand le poumon est écrasé, il devient moins efficace. Ça peut écraser le cœur, puis pneumothorax sous tension peut être mortel. Prenez aussi un pneumothorax sous l'air. Un coup de crayon qui est rentré dans la cage thoracique, une balle de fusil, des choses de même, ben là, au moins, il y a une ouverture, c'est moins pire. Les pneumothorax que j'ai au début de 90 sont-ils reliés à... Bon, une chose qui est évidente, c'est qu'une personne qui a un pneumothorax, qui est un adulte, même si on dit c'est génétique, la faiblesse, elle est acquise. Alors, même si on dit, bon, dans ta famille, tu as eu beaucoup de personnes qui ont fait des pneumothorax, tu aurais eu un pneumothorax lorsque tu aurais été jeune. Tu aurais un pneumothorax à l'adolescence. Alors, bref, il y a des choses que tu as faites à un moment donné qui ont sollicité beaucoup plus ton système respiratoire et la faiblesse aurait dû apparaître. Il y a des mémoires. Et comme j'expliquais à un moment donné, c'est une conférence spéciale, c'est que non seulement on peut se découper, se désassujettir de mémoire réincarnationnelle, mais le problème, c'est que quand vous avez 30 ans, vous êtes exactement tous vos parents à 30 ans. Puis quand vous arrivez à 35 ans, les mémoires de vos parents, même s'ils sont vivants, qui ont 60 ans, et ces mémoires-là vous attendent à 35 ans pour vous transformer comme ils étaient eux. Et ce qui va arriver à un moment donné, c'est que même biologiquement, tu vas finir par acquérir une génétique, c'est-à-dire que tes parents sont tous morts, disons, d'une rupture d'anévrisme, puis toi, ben, t'as aucun anévrisme, mais rendu à 60 et quelques années, tu commences à avoir des anévrismes. C'est que tes parents qui sont morts t'attendent astralement pour te récupérer à cet âge-là. Alors, à 12 ans, t'es attendu par toutes tes parents quand ils avaient 12 ans, 13 ans, t'es attendu, ce qui fait que tu te fais ramasser régulièrement. Et c'est pourquoi l'être humain doit finir par par embarquer dans un prototype que la famille n'a jamais eu. Que ce soit un chevaucheur de lumière, appelle ça comme tu voudras, que ce soit une élite, que ce soit quelque chose que la famille n'a pas connu, puis l'individu doit s'arranger maintenant pour se bâtir autour de ça. Et là, ça va progressivement le désassujettir même des réincarnations familiales qui l'attendent. La personne, elle rentre en 90, elle a un âge particulier. C'est évident que psychologiquement, il y a une somatose, il y a des maladies psychosomatiques, il y aura une interaction avec le corps physique. La respiration, c'est important. On peut, mettons qu'on serait dans un endroit où il faut écouter notre corps, là, on pourrait dire que, et c'est relativement vrai, ça dépend d'individu, mais une grande partie du phénomène des pneumothorax apparaît, les pneumothorax spontanés chez un adulte, apparaissent lorsqu'un individu est pris par des inhibitions où il devrait rejeter des choses, et ces choses-là, il essaie de les camoufler, il les rejette dans l'intérieur. C'est-à-dire que l'individu arrive à une confrontation évolutive où il sent qu'il devrait, mais il ne peut pas. Et là, il se dit, ben, toutes les cochonneries que j'ai, au lieu de les jeter, je vais les mettre dans mon grenier. Comme ça, si un jour ça ne va pas, je pourrai au moins revenir. Alors, les mémoires qu'il rejette, ou l'air qu'il rejette, il le rejette entre le poumon et la cage thoracique. Il ne veut pas se débarrasser de certaines choses qu'il est en train de se débarrasser. Grosso modo. Ils entreposent en attendant. En cas qu'il y en ait besoin. Psychologiquement. Mais ça leur a des incidences au niveau physique, comme certaines autres personnes vont vivre des incidences au niveau corporel, au niveau matériel, au niveau de la maison, de l'automobile, d'autres choses. Alors, effectivement, il y a ce genre de phénomène qui serait étudié. Je ressens avec certitude que quelque chose va changer au plan affectif, que je vais vivre avec quelqu'un. Pourtant, cette personne n'est pas libre et je ne sais pas si elle aura le courage de se libérer. Pourquoi alors une certitude si forte? Est-ce une illusion? La certitude si forte fait partie de la mécanique problématique de l'évolution. La personne, elle vit quelque chose. Bon, écoutez bien ceci. On prend l'exemple ici, mais on peut faire un parallèle avec à peu près tout ce qui nous arrive, le moindrement qu'on commence à se conscientiser ou qu'on ouvre les yeux sur quelque chose de neuf, où on se fait fourrer régulièrement par l'évolution. La personne est là réincarnée. Alors, la personne est là, elle est au courant de certaines choses qu'elle vivra dans l'avenir. Parce que l'ego, elle est au courant et que l'ego, émotivement ou spirituellement, trouve cela joli, l'ego immédiatement décide que c'est le chemin qu'on doit prendre. Et maintenant, l'ego essaie de projeter l'idée. Alors, l'ego regarde sa blonde ou son chum ou la personne qu'elle vise maintenant, et projetant l'idée dedans, elle dit ceci. Je sais que la personne, c'est elle, alors que ça peut être une toute autre personne. Ça peut être dans 20 ans d'ici. Et là, l'individu va dire, maintenant, j'ai la certitude, je le sens, je le vive, j'en bave, c'est évident. Alors, comment ça se fait que... À un moment donné, on parlait du projet OFSA, qui est l'organisation d'un village scientifique au Québec, où l'humain est privilégié dans l'évolution. Et là, on parlait du retour à la nature pendant que les robots font ménage, puis se promènent avec les enfants dans le bois. Bon, c'est un retour à la nature intelligent. C'est pas à fendre du bois pour allumer ton feu de bois, puis etc. Ben, la chasse au lapin. Qui est le retour à la nature. Pas beaucoup de personnes ont spirituellement vécu ça. Mais là, il y a beaucoup de personnes qui se disent, moi, là, je vois ça, tu sais, on devrait commencer tout de suite. C'est ça. C'est que là, ce que l'on vibre, c'est quelque chose qui existe quelque part dans le temps. Et on en est au courant parce que ça peut nous donner une idée, un vecteur d'évolution. Bon. Mais ça ne veut pas dire que c'est demain matin. Puis là, à un moment donné, on va dire, ben oui, mais là, j'ai rencontré trois personnes là, qui sont d'accord et qui sont prêtes. Oh oui. Et c'est bien correct. Ça ne veut rien dire non plus. Et on se fait régulièrement récupérer uniquement parce que l'humain, il a des connaissances de ce qui va arriver. Et ce qui va arriver dans 20 ans, dans 15 ans, dans 10 ans, dans 2 semaines, tout ça est mélangé ensemble parce qu'on le sait, puis égoïquement, astralement, émotivement, c'est projeté, puis là, on essaie de l'avoir dessus. Mais comment on sait ça, mécaniquement? Qu'est-ce qui apprend? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, pourtant, cette personne n'est pas libre. Ça, c'est déjà une chose. Êtes-vous capable de bien cerner, de bien comprendre, puis d'essayer d'appliquer ça en 90? C'est que les choses doivent se faire tout seul. Vous n'avez pas à travailler. On doit abandonner l'évolution méritoire. Si le gars ou la fille doit convaincre l'autre de se libérer, si l'autre doit divorcer, puis aller en couple, puis travailler, c'est méritoire. Puis là, ce qui va arriver, c'est que si tu attends 2 semaines de plus, peut-être que ça va tout se faire tout seul. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, « Ouais, mais une chance que j'ai commencé à demander mon divorce 5 ans avant. » J'ai fallu maintenant. J'aurais commencé maintenant, ça aurait été dedans. Si tu l'aurais demandé aujourd'hui, tu l'aurais eu tout de suite. Pas se demander dans 5 ans, puis tu devais l'avoir aujourd'hui, de travailler pendant 5 ans. Tu as tout perdu ton argent, puis c'était au complet. Pour entretenir l'idée du mérite. Oui, mais c'est moi qui ai choisi de travailler pour. On n'a pas de libre arbitre comme ça. Alors, tout ce qu'on a, on bave tellement pour l'avoir, parce que la simple raison qu'on veut pas l'avoir, on veut pas l'avoir quand c'est le temps. Bon, la journée que tu dois avoir une automobile, tu vas en avoir une. Mais la personne, elle a l'impression que ça s'en vient, puis elle se met à travailler pour aller la chercher. Parce qu'elle n'est plus dans l'état où elle l'aurait, elle repousse l'échéance, puis évidemment, ça devient méritoire. Mais quand tu dis « elle a l'impression », on sent, on sait des choses, comme par exemple, que dans cet exemple-ci, que cette personne-là va vivre avec l'autre personne. Comment on sait ça? De quelle façon? Comment on l'apprend? Bon, comment on l'apprend? On n'a pas besoin de l'apprendre. Regardez ceci. Non, tu ne l'apprends pas, tu le sens, tu le vibres. Mais comment ça arrive, comment ça se fait mécaniquement? Est-ce que c'est l'ego, est-ce que c'est le mental? La question fondamentale, première question. Disons que c'est toi qui poses la question ici. Moi, je suis ta conscience. Et ta barbe. Bon. Admettons. Dans ton petit coin de cerveau, là, il y a toute petite place là, où il y a de l'intelligence. Hein? Pour rentrer une conscience comme ça, ça prend pas un gros trou. Parce qu'il peut rentrer. Alors, là, la question que je te pose, voilà, tu me demandes, là, comment puis-je savoir si c'est le temps et si c'est... Pourquoi vis-tu? Là, ce que je fais là, vous devriez vous le faire. Là, pourquoi vis-tu? Pour accumuler des expériences. Pourquoi accumuler des expériences? Pour changer, cellulariser, changer la génétique. Pourquoi changer la génétique? Parce qu'il y a d'autres formes d'intelligence qui doivent entrer dans un corps qui a une génétique différente. Et à quoi ça va te servir que d'autres formes d'intelligence rentrent dans ton corps? Servir à mon ego, rien du tout. Ça n'a pas répondu. À quoi ça va te servir que d'autres formes d'intelligence rentrent dans ton corps? Là, ça va pouvoir rendre l'intelligence dans la matière. Et à quoi ça va servir? Pas rien. Ça va rien. Bon. Qu'est-ce que rien? Rien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est rien. Bon, là, c'est quelque chose que je mets pas. Quelque chose que je peux pas mettre une définition dessus parce que je le connais pas. Voilà. C'est rien pour aujourd'hui. Voilà. Ton ajouteur vient de répondre. Ce que tu dis, c'est que il y a des choses que tu ne sais pas. Actuellement. Je sais qu'il faut que je le fasse, mais je sais pas exactement c'est quoi. S'il y a des choses que tu ne sais pas, comment peux-tu savoir le chemin que tu dois prendre? Comment je mets ça? S'il y a des choses que tu ne sais pas, bref, tu ne sais même pas où tu vas aboutir. Exactement. Comment peux-tu prétendre savoir le chemin que tu dois prendre? Par une forme d'intuition ou de connaissance interne. Puis est-ce que tu peux te fier à ça? Toutes les fois que je me fie à ça, ça ne marche pas. Voilà. Tu continues pareil. Oui. Ben oui. C'est comme ceux qui ne croient pas aux cartomanciens qui sont tirés aux cartes poisonnées. C'est ça. Correct. Ici, pourtant, cette personne n'est pas libre. Pourtant, je veux dire qu'elle devrait être libre. Tellement, c'est évident qu'elle devrait être libre. Pourtant, c'est un accident. Ouais. Je ne sais pas si elle aura le courage de se libérer. Et si elle n'a pas à se libérer, pourquoi il faudrait qu'on lui en donne le courage? Alors, pourquoi alors une certitude si forte est-ce une illusion? Et c'est ça l'affaire. Si forte, c'est égoïque? Non. C'est que dans la majorité de ce que vous vibrez, percevez, vous avez raison. Sauf qu'on le colore de façon à l'ajuster à notre ego. Et c'est là qu'on a tort. Bon. Tout serait tellement facile si on ne se... Il y a beaucoup d'informations qui viennent uniquement pour baliser votre chemin. Mais vous mangez les balises, vous les digérez, puis après ça, vous les cherchez. Puis tu n'y crois plus après ça. C'est parce que chaque fois que tu rencontres une lumière sur le bord du chemin, elle n'est pas là pour que tu la mènes avec toi, que tu l'éteignes, puis tu la manges. Elle définit un chemin. Quand l'humain se dit, regardez, vous avez une idée, bon, dans l'avenir, là, vous avez une trame. Regardez en arrière de vous. Votre avenir ressemble à... Votre passé ressemble à quoi? Et tabarnouche que vous avez... Tout ce que vous avez pu penser, c'est pas ça que vous êtes. C'est bien simple. Puis l'ego, souvent, va dire t'es pire. Mais l'ego, c'est un imbécile. Sauf que ce qu'on doit bien comprendre, c'est qu'on a la capacité, le temps, tout le temps, le futur comme le passé, vient instantanément en même temps. C'est pas que c'est actuel, c'est présent. Il n'y a pas de vrai futur. C'est une illusion. Parce que notre conscience ne le connaît pas, puis notre conscience dit « on va le connaître, on pense que c'est à venir ». C'est là. puis il y a beaucoup de futurs possibles. Et l'humain doit s'arranger pour aller dans un futur possible qui est intelligent, écologique, en harmonie avec ce qu'il est lui. Bon, le guerrier massacreur doit s'en aller dans l'apocalypse des autres. Mais ceux qui se conscientisent n'ont rien à foutre de l'apocalypse des autres. Alors, on peut être sur une planète où il n'y aura pas d'apocalypse, alors qu'il y en a un paquet d'autres qui vont être une planète où il va en avoir un. Puis tes journaux n'en parleront pas. C'est des choses que l'humain ne peut pas comprendre encore tout à fait en ce qui concerne l'évolution, même des phénomènes temporels. Mais ce que l'on doit bien comprendre, c'est que de temps en temps, pour pouvoir baliser notre direction, on a de l'information. Cette information-là, on s'en accapare émotivement, puis on essaie immédiatement de la rendre pratique, de l'atterrir immédiatement tout de suite. À partir de 90, comparativement à les termes du passé, il y a beaucoup de cela qui va être accompli, qui va s'accomplir. Mais il y a une crème de nuance entre accomplir quelque chose et faire quelque chose. C'est quoi la nuance? Mais la nuance, c'est que quand tu l'accomplis, c'est que la chose, elle se finit elle-même, puis t'es là en même temps. Tandis que quand tu le fais, ben c'est que tu veux le bâtir, puis le réussir. C'est méritoire. Les martyrs, les saints martyrs. Imaginez qu'il y en a eu des chrétiens sur la planète qui en ont sauvé du monde, qui n'ont pas été crucifiés, qui ont gardé toutes leurs ongles d'orteils, puis qui n'ont pas été brûlés. Mais on ne les connaît pas, ceux-là. C'était trop facile. Dieu était avec eux. Tandis que ceux que Dieu a abandonnés, ceux qu'on a béatifiés, qu'on a élus, qu'on a vénérés, qu'on a sanctifiés. Quand Christ est mort sur la croix, la mémoire de Jésus qui était un enfant, qu'est-ce qu'elle a dit? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est très... Tous ceux qui ont eu contact avec l'intelligence sont fait fourrer par elle. Le baptiste, il a préparé le terrain. Il est mort la tête tranchée. Bon, Pierre, puis les paquets d'autres. Dieu les abandonne ou abandonne Dieu, mets ce que tu voudras. Mais tous ceux là qui veulent trop aller chercher le perdre. Pourquoi? Parce qu'ils en font, ils le personnifient. Ils l'archétypent. Tout ce qui est neuf de Dieu est refusé. Tout le monde est d'accord. Un jour, vous ferez comme le Christ a fait. Ça fait que si. Mais même lui, il dit, ce que je fais, c'est qu'éteindre. Un jour, vous ferez comme moi, vous ferez même plus. Pensez-vous que c'est pour aujourd'hui? Oui, on y croit. Ça n'arrivera jamais. Mais en même temps, on veut que ça arrive. Le livre Illusion que Richard Bach a écrit, à un moment donné, l'épopée d'un messie récalcitrant, il s'en est vendu. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça génial. Mais essayez pas d'appliquer ça, d'un coup, ça marcherait. On veut pas que ça fonctionne. On veut travailler pour aller chercher. Mais il y a aussi que lorsqu'on a écouté ce qu'on ressentait intérieurement, puis qu'on l'a essayé, parce qu'on est déphasé dans le temps, on s'est fait couper la tête, nous aussi. Comme tu disais tantôt, dans l'exemple, les gens, ça fait, il y en a que pendant les 20 dernières années, ils ont passé une année debout, puis ils ont passé une année debout pour rien parce qu'ils étaient 20 ans trop vite. Fait que quand on dit... Ils n'ont pas passé debout pour rien. Ben oui, ils l'ont il y avait juste un seul fait aujourd'hui. Non, ils l'ont passé debout, puis ça n'a rien donné. Ben, ils l'ont passé debout pour rien. Non. Ben, pourquoi ils l'ont passé debout? Ben, ils passaient à quatre pattes, ils passaient debout. Ah, ben, c'est fatiguant. Ils l'ont passé debout. Quand ils passent une main à toutes les lumières, puis qu'ils te frappent dans le visage, ça aurait été mieux de rester tout seul. Non. La main qui te frappe, là, c'est simplement parce que tu te penches pour aller voir si t'es correct. Penche pour aller voir si t'es debout. Regarde ceci. Penche pour aller voir si t'es debout. Ouais. Tu vas voir la vision des autres. Les autres, ils te voient d'en bas, ben tu penches pour aller voir si t'es debout. Ta vision que t'as est jamais celle que t'as en réalité. Regardez ceci. À un moment donné, moi, j'ai la vibration qu'on devrait être capable, en tant qu'animal humain, passer à la phase d'être humain. Est-ce qu'un homme peut tomber en amour avec une femme sans que jamais il y ait de relation sexuelle? Est-ce que ta femme peut m'en donner téléphoner chez moi et me dire « Daniel, à ce soir, j'aimerais ça jaser, je peux aller à la maison. » Elle vient chez moi. Puis toi, ben toi, tu viens pas. Ça ne tente pas de sortir. Elle vient me voir. On jase. Puis quand elle revient chez vous, là, est euphorique, elle plane. Est-ce que... Bon, toi, on en a déjà jasé, tu me dis ça se peut pas. Mais si moi, je vibre qu'à un moment donné, torieux, faudra que les animaux humains qui sont chez nous décollent, tu sais, les hommes des cavernes, les australopithèques, les hommes des tavernes, pour qu'on se libère. Mais là, je vibre ça. Est-ce qu'il faut qu'immédiatement, je veuille l'appliquer? Hey, il y a plein d'animaux, puis je peux me faire ramasser en maudit. Non. Mais si je vibre ça, puis je le garde. Puis si à un moment donné, vous vibrez plein de petites choses, là, puis vous le gardez. Vous vibrez la société où vous sortez sans barrer vos portes. Parce que il n'y a pas de problème. Vous vivez dans la société où ce que votre enfant ne peut pas se perdre. Tous les êtres humains de la société sont des gardiens de l'enfant. Vous vivez, vous vibrez des choses intelligentes. Ben, vibrez-les. Oui, mais ça fait chier à un moment donné. Non, vibrez-les. Parce que l'accumulation de cette vibration-là, c'est ça qui ferme la soupape dans l'évolution. C'est ça qui va faire qu'à un moment donné, vous allez juste commencer à rayonner. Mais l'humain ne veut pas le rayonner. L'humain veut le manger. L'humain veut avoir l'illusion de la perfection plutôt que d'avoir la perfection. L'humain veut le résultat dans l'immédiat terme, mais comme je le dis souvent, plus on est impatient, plus c'est long. Plus on est patient, plus ça vient vite. C'est un paradoxe de l'évolution, mais il est facilement explicable. Plus t'es impatient, plus t'as d'ego. Puis plus t'es impatient, plus t'es libre. Moins t'as d'ego, plus ça vient. On doit être capable de supporter les visions de l'avenir ou les visions de la perfection ou les visions des mondes parfaits sans nécessairement vouloir les planter dans la matière. La personne ici, elle met, bon, au plan affectif, elle voit, bon, elle espère que les choses vont changer. J'aurais ça avec certitude. Mais qu'est-ce qui va changer? Vous allez aller vers quelque chose de mieux? C'est ce mieux-là qu'on doit garder. On ne doit pas le garocher à l'extérieur dans le but de l'acquérir émotivement. Mémoriellement, expérientiellement, on doit simplement être capable de plus en plus de supporter ce genre de vision-là, qui sont des réincarnations, on peut dire du futur, ce sont de l'accumulation d'énergie qui va progressivement nous amener à changer par l'intérieur. Mais ce qui va arriver souvent, c'est que moi, je vise que je devrais être dans une société intelligente. Je veux la créer tout de suite. Je dois devenir intelligent à place. Oui, mais si je deviens intelligent, qu'est-ce que c'est mon faire, hein? Il y en a plein qui vont devenir intelligents. Fait qu'on cesse de vouloir absolument le mettre dans la matière pour s'écraser puis chioler que ça marche pas. Je sens, si tu avais, ou si la personne avait tout ce que j'ai en vibration de perfection planétaire, oui, tout ce qu'il y a, c'est que cette perfection-là, garde-la. Puis progressivement, toi, tu commences à l'exprimer. C'est la seule façon de l'induire dans l'extérieur. Alors, c'est sûr que les humains vont dire, oui, mais c'est souffrant. C'est évident. Vous êtes habitué avec 25 degrés d'énergie. Quand vous êtes rendu à 45, là, vous devez la partager. Partagez pas cette énergie-là. Gardez-la, cette énergie-là. Puis quand tu en auras 100%, là, tu vas commencer à devenir un soleil. C'est pas un soleil. C'est pas un soleil. Je vous en pas. Vous n'émettrez pas des photons. Mais vous allez commencer à rayonner. Et c'est ce que j'expliquais à un moment donné, c'est que votre présence seule va suffire à donner le goût aux gens de vivre mieux. C'est tout. Mais là, vous n'aurez rien perdu, puis là, ça va commencer à fonctionner. Mais ça, c'est quand la fusion complète va être intégrée. En février, on va faire une conférence sur les inhibitions puis la fusion des mécaniques. On verra pourquoi que l'humain s'est fait ramasser autant. Pas ce soir, on n'a pas le temps. On répond à la question aussi. Et si ma femme va passer la soirée chez vous, elle va revenir toute bronzée. Juste du visage. Si je veux me débarrasser de plusieurs choses dans ma maison, du point de vue énergétique, est-ce que ça serait mieux jeter toutes ces choses ou si ce serait mieux de les vendre? En les vendant, on transmet notre karma aux autres. Si on le vend à quelqu'un qui va évoluer par notre karma, c'est mieux de les vendre. Mais achetez-en pas, vous autres. OK, en vente, ça peut aller. Par contre, il y a un problème. On ne doit pas se débarrasser. Il faut faire bien attention. Pas à ce que je dis, à ce que vous entendez. Se débarrasser, une personne va dire, bon, ben, vous débarrassez de mon vieux linge. Ça fait 5-6 ans, j'ai ce linge-là. Puis quand je le sais, je reste la même personne. Fait qu'elle prend tout son linge, puis elle le jette. T'as plus de linge. Oui, mais Denis Quin m'a dit. Jette ce qu'il y a de plus vieux, là, puis... Oui, mais j'ai pas d'argent pour en acheter d'autres. Jette ce qu'il y a de plus vieux, là, puis continue à garder le reste, puis à un moment donné, tu t'achèteras un petit chandail, puis tu t'achèteras... Il faut pas avoir d'argent pour changer. À un moment donné, on en aura. Quand tu n'en auras plus besoin. Ça, c'est très important. Quand tu n'en auras plus besoin, tu auras tout ce que tu cherchais égoïquement. Pourquoi tu vas être libre, là? Tu vas l'avoir. Bon. Sinon, tu n'apprendras pas sans ça. Vous seriez tous millionnaires, vous ne seriez pas ici à soir. Fait que, autant que vous ne soyez pas millionnaire. Oh, point pour moi. Ce qui arrive, c'est que la personne Elle doit se débarrasser de certaines choses, puis dans l'idée de mettre aux poubelles, ça donne l'avantage, c'est que tu t'en débarrasses tout de suite. Tandis que le temps que tu trouves un acheteur, tu peux décider finalement de les garder. J'en connais qui mettent dans des poches, donner ça aux pauvres, là, puis 5 ans après, ils les mettent des poches. Ça a été mieux déchiré tout de suite. Alors, faut passer rapidement, simplement. Actuellement, on vit dans un égosystème et non pas dans un écosystème. Tout est égologique. Y aurait-il un sommet dans cette logique ou est-elle déjà sur le déclin? Bon, au niveau de, justement, de l'égosystème puis de la médiocratie qu'il dirige, c'est... on n'a pas à chercher que ce soit sur le déclin. Vous devez, vous, changer les choses et commencer à aller vers l'intelligence. Puis vers l'écologie, vers les écosystèmes. Mais la première forme d'écologie commence par préserver la nature même d'un élément. Tu ne peux pas sauver une forêt si tu laisses dépérir les arbres. Donc, tu dois travailler pour sauver les arbres. Et la façon de sauver les arbres, c'est de commencer par en sauver un. Bien, c'est vous autres. L'écosystème commence chez soi. Il y aura toujours de l'ego, ça c'est évident, qui sera là pour nous récupérer, pour créer des problèmes. Mais ça, c'est là, tant pis, c'est pas plus grave que ça. Tant pis, je m'en fous. Et je continue, lentement, il s'en va. On ne doit pas, encore une fois, projeter dans la société l'évolution. Ça ne se fait pas. Parce que, bon, visitez simplement la planète pour vous rendre compte que la planète est habitée par des animaux humains, puis souvent par des animaux tout court, des animaux sur deux pattes. Alors, on ne doit pas, et ça c'est un gros danger, c'est ça qui engendre la souffrance. À un moment donné, tu vibres tellement beau et bien chez toi, puis quand tu regardes l'extérieur, tu te crimes, je suis pas sur la bonne planète. T'es sur la bonne planète. T'es là uniquement pour continuer. C'est à cause de la planète que t'en es rendu à rayonner ça chez toi. Mais tu souffres tes collectifs encore. Tu souffres que ce ne soit pas comme ça partout. Il y a des femmes qui me disent, quand est-ce qu'elle va pouvoir rencontrer un gars qui est réellement intelligent? Tu sais, comme tu le décris. ça va arriver à un moment donné, mais l'idée, c'est que ne recherche pas un homme de même. Parce que cet homme-là, s'il existe, tu ne le trouveras pas en cherchant. Il est déjà hors de ça. Tu sais, tu ne peux pas creuser un gars de même. Il n'y a rien à faire. C'est comme, quand vais-je trouver une fille intelligente? Ben, si je la crouse, puis je la trouve, c'est pas elle. Elle se laisse crouser. Donc, elle a des facteurs problématiques, elle est capable, elle va aimer ma façon institueuse et hypocrite de la ramasser. Pas intelligente. Pas, je parle, elle est intelligente, mais pas dans l'intelligence que j'aimerais avoir. Fait que la femme, c'est tout la même affaire. Tu veux avoir un mari qui boit pas, puis tu fréquentes les bars, pour là, à cause qu'on peut fraterniser. Ben, crime. Tu sais, c'est vraiment calme. Comme il y a des personnes qui venaient aux conférences uniquement pour se rencontrer l'élu de leur cœur. C'est ceux qui se conscientisent, c'est pas des cadeaux. C'est pas en place. Fait qu'elle tente pas à rencontrer une personne stable. Une personne pour discuter avec, OK. Pour vous écœurer ensemble, OK. Ou même pour vous écœurer mutuellement, OK. Mais pas pour vivre le bonheur immédiatement. Vous êtes en bouleversement. Alors, à un moment donné, il faut qu'on soit capable de se respecter dans le bouleversement, c'est correct. Comme je dis souvent quand je fais des conférences dans les écoles, à un moment donné, on parle de la libération de la femme, puis l'homme, il chiolait, l'homme, il disait la femme, et même, parce que, mettons, les policiers. Ça, il n'y avait pas pour avoir des femmes policiers. Ça, les femmes sont pas assez évoluées pour prendre des douches avec nous autres, fait qu'on leur en fasse des douches. Mais c'est ce que l'homme disait. Mais, ouais, fiez-vous sur l'homme. Il y a tellement de choses que l'on sait. On va revenir sur les inhibitions, puis ça va vous faire broyer de joie. Et c'est important qu'on en parle, parce que la fusion de l'humain commence lorsque l'humain comprend pourquoi il a été inhibé, et pourquoi vous êtes bâti d'inhibition. Mais vous êtes inhibé! Êtes-vous capable de vous montrer nu devant n'importe qui sans que ça vous dérange? Non. Êtes-vous capable de dire à quelqu'un que vous l'aimez, même si c'est vos enfants ou quelqu'un de proche? Pas quand ça s'adonne, là. Êtes-vous capable de dire carrément à quelqu'un ce qu'il y en est? Non, ce soir, je ne sors pas. Non, ma mère, je ne vais pas. Non, non, je ne vais pas. Non, non. De vous sentir bien. Êtes-vous capable de... La culpabilité, c'est l'inhibition. Les enfants sont inhibés totalement. Les adultes, on l'est inhibé. Et plus on se conscientise, plus on devient inhibé. Puis c'est essentiel. Puis la fusion, c'est de replacer toute la structure des inhibitions pour les éliminer. On va en parler en février. Mais l'être humain qui va vivre ce genre de choses-là, qu'est-ce qui arrive? Il y a beaucoup de personnes présentement qui vivent des choses comme la question ici, ça c'est une parcelle. Mais on vit des choses qui nous enragent, qui semblent nous détruire par en dedans. Parce qu'on est trop impatient. Puis c'est quoi ces choses-là? C'est juste une petite inhibition que tu aimerais voir sauter. Mais tu te dis, crime, si je la fais sauter, je vais être totalement sans défense. Parce qu'on s'en est servi pour se défendre, des inhibitions. Ça a été extraordinairement utile pour nous permettre d'évoluer. Mais c'est ce genre de vibration-là. Et la personne va dire, oui, donc, il faudrait que toute la société soit changée pour que je puisse me changer. C'est ce qu'ils se disent. Il faudrait que tu sois changé aussi. Bref, tout le monde attend pour tout le monde. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faudra qu'on passe quelque chose d'autre. C'est souffrant. Tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on n'a pas réussi à apprécier le plaisir de l'affaire. J'avais beaucoup mumphisé durant la journée et je crois que je me suis endormi en mumphisant pour me faire réveiller par la suite par de grosses crampes dans la poitrine et on aurait dit que la tête voulait éclater. Elle n'a pas éclaté parce qu'elle avait écrit que ça. À ce moment, j'ai voulu dire que j'étais mon seul maître en me nommant, mais le corps éprouvait énormément de difficultés à articuler. Alors j'ai souri et même ri et le tout a arrêté. Que s'est-il passé? Bien, il s'est passé que ça prouve une chose, c'est que quand on rit un peu dans la vie, ça solutionne bien les affaires. Quand on se prend pas au sérieux, puis qu'on cesse de canaliser l'énergie, qu'on sait pas quoi faire avec, vers la peur, tout se place. La manifestation, c'est quelque chose de phénoménal. Un individu qui... C'est sûr, ça paraît trop facile quand on l'enseigne, là. Mais quand tu le fais, c'est facile à dire en plus, mais il faut le faire. La manifestation relaxe ton corps. Le mental contrôle le physique. Manifi, mental, physique. Elle permet un désassujettissement des mémoires réincarnationnelles du point de vue cellulaire. Elle permet, elle accélère la cellularisation d'évolution, le codifiage génétique dans les cellules. Elle augmente la capacité du cerveau à travailler. Elle ralentit le processus de vieillissement. Elle le bloque. Elle engendre un processus de rajeunissement. Au lieu d'éjecter les cellules jeunes, ce que le corps fait, on commence à injecter les cellules mères, les vieilles cellules, ce qui purifie la génétique en même temps. Et il y a beaucoup d'autres phénomènes qui apparaissent par Menfi, énergétiquement entre autres, au niveau de l'énergie yin-yang et hominale, ce que l'acupuncture ne connaît pas encore. La personne, elle menfise énormément, par la suite, son corps physique devient totalement drogué, tant sur d'autres. L'ego va réagir énormément parce que l'ego n'arrive plus à lire le corps comme il le lisait, il y a une panique qui va embarquer. Puis il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. La personne, elle s'est endormie. Une fois endormie, elle n'a plus la conscience mentale de son corps physique. Et là, tout ce qui est en panique revient à l'intérieur du corps. Parce qu'à un moment donné, bon, elle essaie de parler, elle ne peut pas parler. Trop d'énergie. C'est typique d'ailleurs du magnétisme ou de l'hypnose magnétique. Ou de l'acupuncture. Et par la suite, elle relaxe, elle se met à rire, etc. Le rire, c'est comme le pleur. Tu élimines de l'énergie. Elle s'est stabilisée, puis elle va digérer le reste. Alors, ce qu'elle a fait est parfait. C'est exactement ce que l'on doit faire. Ai-je été envahie par une entité astrale? Elle est envahie par une entité astrale qui s'appelle son prénom à elle, qui s'appelle elle-même. Est-ce que je memphise mal ou est-ce que la memphisation mène aussi à cela? Elle memphise bien, puis elle s'est endormie en attendant. Puis les techniques PMC, j'ai toujours dit qu'il y avait un défaut, c'est que c'était fonctionnel, ça marchait. Alors, effectivement, il y a de quoi. Sauf que vous n'avez pas l'habitude de vivre ce genre de choses-là, puis pour l'ego, ça stresse un petit peu. Lorsque je memphisais durant la journée, l'énergie vitale circulait, puis tout à coup, c'était comme si tout était devenu comme très solide, comme pris dans un bloc. Qu'est-ce que ce phénomène? Bon, ça, c'est qu'après, elle s'est énergisée, et lentement, elle a atteint le début de l'énergification, qui est la reconstruction énergétique d'un corps. Énergisation, c'est un survoltage, un boostage, quand on parle mal le français. Et l'énergification, c'est la reconstruction du corps. J'ai déjà dit que l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau, à un moment donné, ils augmenteraient en énergie la structure atomique des cellules, au niveau des noyaux comme des électrons. Cela ferait que ça ne changerait rien du point de vue de l'analyse physique, mais du point de vue du corps atomique, ça changerait tout. Et à un moment donné, assez qu'un être humain totalement fusionné, si tu es fusionné, je suis fusionné, et que si on se serre la main, c'est normal. Si je serre la main à quelqu'un, il aurait l'impression de toucher de l'acier. Elle a ressenti un début de processus, elle percevait, son corps restait encore atomiquement souple, mais elle percevait des choses. La manifestation, ça mène à bien des affaires. Est-ce qu'il est intelligent de parler de toi de façon colorée pour inciter les gens à assister à tes conférences? Non, on ne peut pas inciter les gens à venir à mes conférences. Ce que vous devriez faire à la place... Le père d'un ami. Ouais, c'est le père d'un ami, c'est ça, invitez-le ici. Faites les choses toujours faciles. Si vous êtes plaisant, puis que vous vous plaisez à aller quelque part, ben, les individus qui ont à aller à la même place que vous vont finir par y aller aussi. L'évolution ne passe pas uniquement par mes conférences. L'évolution passe par l'être humain. Ça donne qu'il y en a qui viennent aux conférences ici, puis on peut s'amuser, on peut jaser un peu, on peut apprendre des choses. Puis en même temps, ça fait un concentré d'évolution en 2-3 heures dans une semaine, puis c'est intéressant. Mais on n'a pas à manipuler autrui pour qu'il vienne. Comme de temps en temps, quelqu'un me dit, « Ouais, mais s'il viendrait, ça, ben, peut-être qu'il passerait une cassette. » Puis tu verras, si la cassette ne veut rien savoir avec, amène-le pas ici. Il va passer par un autre chemin. Si vous êtes suffisamment convenable, puis c'est en évoluant que vous devenez convenable, ben les individus, à un moment donné, qui voudront être comme vous, ils vont suivre un chemin parallèle, c'est tout. Mais à quoi ça sert d'inviter des gens à venir ici? Parce que vous n'êtes pas missionnaire, vous sauvez l'humanité. Et moi non plus. Par contre, c'est évident que si, à un moment donné, vous aimeriez que l'individu avec lequel vous travaillez ou vous vivez puisse arriver à un niveau où vous allez pouvoir jaser avec lui de d'autres choses que juste de fesses ou de cordes à linge. Ça peut être intéressant. Tu peux parler des fesses accrochées à ces cordes à linge. En sciences cosmiques, on a avisé les gens de sortir leur boîte de Kleenex pour 90, bien des deuils et des ruptures à prévoir. Une rupture avec un être cher est-il toujours pour le mieux? Est-elle toujours pour le mieux? Il faut faire bien attention. Bon. Madame Sergery, lorsqu'elle a fondé les sciences cosmiques, elle avait son idée derrière la tête, évidemment. Bon, Madame Loranger, qui par la suite a réincarné Madame Sergery, a poursuivi le travail. Elle a eu l'arthrite de Madame Sergery, elle a réincarné plusieurs phénomènes négatifs en même temps que les phénomènes positifs. Et les sciences cosmiques sont devenues au Québec, c'est quelque chose de québécois, une formidable roue motrice pour l'évolution de plusieurs personnes. Mais les sciences cosmiques restent, même si sont à l'avant-garde dans l'évolution du point de vue spirituel, c'est-à-dire que c'est l'une des trames les plus avancées dans la spiritualité vers la conscience neuve. Bon, ils vont dire dans des termes spirituels que les cellules doivent changer. On parlait de cellularisation, on peut expliquer plus loin, c'est la même chose. Sauf que dans la vision évolutive, ce qui arrive souvent, c'est qu'on revient encore à la chirurgie de tout à l'heure. On parle de sortir les mouchoirs. Pourquoi sortir les mouchoirs? Parce que des individus que vous limitiez vont se séparer de vous. Parce que des individus qui vous limitaient vont vous laisser. C'est que mémoriellement, il y aura de la souffrance. Mais ce qui vient en 90 sera bénéfique. À 100%. La question ici, est-ce qu'une rupture avec un être cher est toujours pour le mieux? Absolument. Tout le temps. Tout ce qui arrive est pour le mieux. Même si tu chiales et même si tu ne le vois pas, ça reste évolutif. Il y a deux façons d'évoluer. Vous évoluez sans vous en rendre compte, manger de la marde toute votre vie. Vous évoluez en vous en rendant compte, vous en mangez un peu plus. Deux façons. C'est à mieux de dire ça. Bon, je suis au courant de ce qui arrive quand même chez l'humain qui se conscientise. Sauf qu'à un moment donné, quand on comprend un peu plus le pourquoi la mécanique se passe, quand on commence à avoir une vision plus cosmique que nombritique, il y a beaucoup de choses qui commencent à avoir une saveur intéressante. On commence à rire. La rupture avec un être cher, c'est toujours bénéfique. Ça ne veut pas dire que vous devez casser avec tout ce que vous aimez. Mais il y a des personnes, moi, que j'aime énormément. Puis c'est génial. Puis s'ils ne seraient pas là, j'aurais plus de temps. Fait que si un jour, je ne suis pas capable de gérer suffisamment mon temps, puis il faudrait que je récupère du temps quelque part pour parfaire ma fusion, bien, les événements vont s'arranger pour qu'on se sépare. Et là, tu vas dire, oui, mais c'est idiot. Je le sais que c'est idiot. Mais c'est essentiel. Alors que je suis capable de gérer mon temps, en affaires ou ailleurs, pour pouvoir avoir le temps que j'ai besoin pour faire des choses, Et j'aurais pas besoin de ça. Bon, il y a des moments donnés où en conférence, bon, il y a eu des conférences, il y a eu un temps où je faisais des conférences, et puis on avait bon, 250, 300 personnes qui venaient régulièrement. Et on a eu un temps où on avait 15, 20 personnes. Et il y a beaucoup de personnes qui me disaient, oui, mais je vois pas pourquoi tu continues à faire des conférences. Puis lui et moi, on le savait pourquoi. Parce que ça nous oblige, une fois par semaine, à venir parler. C'est pas une question de finances. Plus il y a de monde, plus c'est intéressant, parce que plus il y a de monde, plus on pourra rencontrer des gens. Oh, OK, ils payent la salle. C'est plus déficitaire, c'est bénéficiaire. D'accord. On n'a rien contre. Mais l'idée n'est pas là du tout. Alors même quand c'était en déficit régulier, c'était pas en déficit. Parce qu'on continuait. Ce qui nous permet d'éliminer les problèmes temporels, où là on aurait à perdre avec ci, perdre avec ça, puis lâcher ceci, puis casser cela, uniquement pour récupérer du temps parce qu'on est trop nouille pour aller chercher le temps qu'il faut pour être capable d'apprendre. Vous savez que quand on passe 2 heures comme ce soir, on en prend du temps. Parce que l'individu qui pense à des choses une fois par année, là, et échelonné sur l'année, bien, une soirée, on en fait des années normales. Ça fait que ça libère. C'est sûr que tu avances vite aussi. Donc, à un moment donné, on est déphasé sur l'évolution sociale. Puis là, l'humain commence encore à souffrir et à chioler. Mais c'est ça. Il ne faut pas qu'il souffre, il ne faut pas qu'il chiale, il faut qu'il absorbe ce qui arrive, il faut qu'il continue à le faire. Vous savez que dans la conscientisation, il y a des humains qui sont formidablement parfaits, qui sont géniaux. C'est intéressant de les rencontrer. Mais ils ont encore des égos. Ils ont encore des mécanismes de récupération. Mesdames, quand vous allez rencontrer dans la salle ici, par exemple, le mâle, le plus évolué, elle sait que c'est pas un mâle, c'est un être humain. Voulez-vous le vérifier? Déshabillez-vous devant lui. Puis je vous parle pas de ses réactions corporelles. Il y a des réflexes. Ça, il est fait avec ça. Mais on parle de, est-ce que sa conscience va être altérée? S'il parle à Dave, est-ce qu'il est très évolué? Regarde simplement ce qui va arriver. Puis là, vous saurez le degré d'évolution de cet être-là. Puis la femme, messieurs, c'est la même chose. C'est facile d'obliger une femme à se faire ramasser par son insécurité. Et là, elle voudra tomber dans vos bras. Pour belles raisons. Vous lui donnez de l'intelligence, de l'affection, plusieurs choses, vous allez voir qu'elle va se ramasser dans le lit vite. Alors, pour connaître le degré d'évolution. Mais on va dire, oui, mais moi j'aimerais donc ça, à un moment donné, rencontrer des humains qui... Soyez pas déçus chaque fois. Chaque personne fait les efforts qu'il peut faire pour monter. Alors, à un moment donné, vous allez rencontrer 2 personnes, vous allez jaser, puis ça va être absolument là, euphorique. Puis quand c'est le temps d'appliquer, ça marche pas. Ah, mais je sais pas quoi vous faites avoir. Tout le monde se fait avoir. Simplement parce que vous restez pris sur le moment où vous vous êtes fait récupérer. Plutôt que d'oublier ça, puis de continuer là où vous vous êtes pas fait récupérer. Puis même chez soi, on se fait ramasser encore comme ça. Ouais, mais là, tu vois, je me sens encore fait avoir. Oublie-le donc, ça! Mais on est défaitiste, parce que c'est la médiocratie qui dirige, puis en plus, on veut être méritoire, fait qu'on ressource tout le temps les erreurs qu'on a, de façon un jour à pouvoir s'en être sorti. Méritoirement. Eh oui! Puis si on les oubliait, ça arrêterait? Tu es intelligent, si. Tu as fait, tu as battu ton fils. Tu es intelligent? Non. Bon. Ben, non, il y en est mort. Hein? Il y en est mort. Puis, oublie ça. Pas vrai. On me fait battre, moi, là. Ça sert à quoi de rester sûr que tu l'as battu, bon, puis tu regrettes de l'avoir battu. Il n'est pas mort, mais tu regrettes. Tu dis où ce que tu as fait. Puis après, ton père, il sait comment, est-ce qu'il battait ses enfants? Non. Ton grand-père? Oui. C'est ton grand-père qui vient de battre ton fils. C'est même pas toi. Puis de toute façon, une personne consciente le sait, puis lui, il le sait avec, parce que de temps en temps, quand il gueule après ses enfants, il se rend compte que c'est totalement son père, c'est même pas lui. Puis même que des fois, il gueule après son fils, puis il l'appelle Charles. C'est lui. C'est son père qui gueule après lui. Quand je parle de réincarnation, qui vous attend à un moment donné. Mais pourquoi on pense? De temps en temps, je jase avec des gens, on jase pendant 2-3 semaines, 2 mois, 3 mois, 1 an, puis oh, c'est parfait. À un moment donné, c'est la guerre totale. 2 semaines. Qu'est-ce qu'on retient? 2 semaines de guerre. Les 2 ans de bonheur, jamais, pourri. Il m'a fourré. On est manipulé. Comprenons-le. Ces 2 maudites semaines-là, t'es mis aux poubelles. On n'a rien à foutre avec ça. Même les chicanes familiales, les chicanes entre les parents et les enfants. C'est pas ça que je voulais dire. Ouais, mais c'est ça que tu as dit. C'est ce que je suis qui est important. C'est pas ça que je voulais dire, je te le dis. Alors laisse faire ce que j'ai dit, c'est des paroles, ça, c'est pas ça qui est moi. Toute l'évolution est basée sur le phénomène. Oubliez donc vos conneries, puis continuez donc à être dans l'euphorie. Depuis l'âge de 10 ans que je m'arrache les cheveux. C'est toi qui l'as écrit, celle-là? Je t'en viens vite, là, c'est vrai. Les miens sont pas gris, en tout cas. Ils peuvent pas être gris. Ben, c'est ça. Bon, on commence. Depuis l'âge de 10 ans que je m'arrache les cheveux. J'ai eu des périodes de répit, mais ça recommence toujours. Pourquoi cette manie en particulier? Comment parler à mon ego pour que l'anti-homme en moi cesse de me mutiler? Première question, question fondamentale. Qu'est-ce qui vous dérange? Que votre ego vous charrie ou que vous perdiez vos cheveux? Et que ça paraît niaiseux. Mais dans une structure d'évolution vers l'intelligence, c'est fondamental. Qu'est-ce que tu veux régler? Ta perte de cheveux? Non. Mais c'est ça qui est le problème. Parce que quand on parle au niveau de l'évolution, c'est comme tout à l'heure, vous êtes malade, pourquoi voulez-vous être en santé? Les raisons intelligentes, c'est formidable. C'est dur à trouver. Mais c'est normal, c'est pas posais réellement la question, là, c'est difficile. Parce que t'es pas intelligent. Mais tu vas devenir intelligent en la trouvant. Puis parce que si je vous la donne, vous allez l'apprendre. Ça ne vaut rien. C'est pas la raison qui fait que tu guéris. C'est que pour la trouver, il a fallu que tu structures quelque chose de neuf chez toi. Il a fallu que tu changes, que tu mutes. Puis cette mutation-là engendre automatiquement la répercussion dans l'intelligence. Tu guéris. La raison, on s'en fout. Mais trouve-la. Parce que c'est le travail de la trouver qui te mute. Fait que même si je te la donne, elle vaut rien. On se fout de la raison, c'est des paroles en l'air. Mais pour la créer, la parole en l'air, alors là, il a fallu que je change. C'est dans la recherche du trésor que tu t'enrichis, c'est pas en le trouvant. C'est évident. Mais quand tu l'as, garde-la. Ben, j'espère. Ouais, mais c'est ça. La personne ici, bon, ses cheveux, etc. C'est évident qu'elle a une manie totale. Elle est archétypée. Elle se mutile. Bon, il y en a qui se grugent les ongles. Rendez-vous en compte. Culpabilisez-vous pas, puis cessez. Puis l'important, on s'en fout de vos cheveux. Arrachez ceux des autres. Les trois prochaines conférences, le vendredi 19 janvier 1990. Comment parvenir à l'abondance dans sa vie? Le 26 janvier, comment conserver son abondance? Et le 2 février, comment partager son abondance? Quand moi je parle d'abondance, je parle de temps, d'argent, puis je parle de plaisir de vivre. Toutes les conférences auront lieu à l'avenir ici, le vendredi soir, toujours au même endroit, à la même heure. Donc c'est un rendez-vous à 19h30. Ceux qui sont intéressés, lundi, il y a une conférence ici sur l'enfant Teflon, qui est donc une réplique de celle qu'on a faite, sauf qu'on l'a fait plus axée sur les professionnels. Parce que c'est en majorité des directeurs, psychologues, médecins et professeurs qui vont être là. Si vous êtes intéressés, ou si vous connaissez des gens qui seraient intéressants qu'ils soient là, vous pouvez leur en parler. C'est lundi, c'est à 19h30, c'est ici aussi. Là-dessus, bonne semaine. Bonne semaine.